être parfait. Parfait par son manque de liberté. Parfait par son manque d'originalité. Vivons-nous dans un monde parfait, parfait, parfait. Nous vivons une vie incroyable, animée d'une ambiance.